La lune ulule. Salut, rue, mur, menu, la lune ulule. Virlangue. Une tortue sourde court sur un mur. Répétez. Tu es sûr? Le menu est nul. Mais tu es nu? La vue est superbe. Attention. La vie, la vue. Des nids, des nus. L'anis, l'anus. Répétez. La vie, la vue. Des nids, des nus. L'anis, l'anus. Répétez. Le pull uni. La lumière ultraviolette. La jupe usée. La prune brune. À bientôt.